cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. On est toujours fait al-fasl al-thani fi ma yajib ala al-muslim lil-imam, et les droits des gouverneurs sur leur peuple. Et on arrive au quatrième haqq, an-nusrula, le fait de conseiller ce gouverneur. قال رحمه الله هذا الحق جاء منصوصا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذكر بعضها أنقل لك معنى النصح لإمام المسلمين من كلام العلماء. نعم, avant de citer les preuves sur هذا الحق, ils ont un حق عظيم sur nous les gouverneurs, أننا on doit les conseiller, bien sûr chacun selon ses capacités. Avant de citer les preuves, رحمه الله, il a cité معنى النصح. Ça veut dire quoi, conseiller le gouverneur. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم عند حديث تميم بن أوس الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم, لأئمة المسلمين. C'est ça الشاهد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أما النصيحة لأئمة المسلمين, donc dans son explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم. C'est ça النصيحة لولاة الأمور. Ne pas comprendre que النصيحة c'est la traduction qu'on fait, conseiller le gouverneur. Ça veut dire le conseiller, imma directement, imma avec un message, avec une lettre, avec... Là, c'est plus vaste. النصيحة للمسلمين c'est aimer, حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم, aimer qu'ils soient guidés, aimer qu'ils soient justes. قال وحب اجتماع الأمة عليهم, aimer que la communauté, que tous les musulmans ils se regroupent autour de ce gouverneur. قال وكراهة افتراق الأمة عليهم, كذلك détester la division. Le mu'min, ça doit le rendre triste, et ça c'est min an-nasiha li a'immat al-muslimin, de voir des manifestations, les gens ils sont jamais d'accord, toutes ces révoltes. قال والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم. التدين, donc on le relie c'est تدين لله عز وجل, c'est pas pour quelque chose de dunya, c'est pas par manque de courage, on le relie c'est لله, c'est une adoration. Belle, c'est une adoration très très importante. Al-Ulama, il cite cette adoration dans les livres de Aqida, de croyance. Qala, wal-bourd liman ra'a al-khuruj alayhim. Ça, c'est un point important. On doit détester ceux qui appellent à la révolte. Min al-khawarij, wa min al-ikhwan, wa min al-hizbiyin, al-harakiyin, al-thawriyin. On doit les détester, billah. Limada, li'annahum, c'est des égarés. Qala, wa hubbu i'zazihim fi ta'atillahi azza wa jal. أما les ignorants qui appellent à al-khuruj, si c'est un ami min al-awam, comme beaucoup, on vit à une époque où beaucoup de awam ils sont touchés par hadal fiqh, hawla on dit pas que c'est des innovateurs là, lakin hawla yunsahoun, leur montrer anna min aqidat al-mu'min c'est ta'at wali al-amr, et la révolte, les critiquer en public, etc., ça ne fait pas partie de la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qala Abu Amr ibn Salah rahimahullah ta'ala sahib al-muqaddima, il a un livre, c'est une référence fi mustalah al-hadith, le livre il est connu, il est mashhour bi ism muqaddimat ibn Salah. Qala wa an-nasiha li a'immat al-muslimin mu'awanatuhum 'ala al-haqq wa ta'atuhum fihi wa tadhkiruhum bihi wa tanbihuhum fi rifq wa lutf. An-nasiha, comme il a cité le Hafid ibn Rajab, certains points qu'on a lus, et ibn Salah il a rajouté huna, le fait de s'entraider ma'ahum, et kadalik le fait de le rappeler. Na'am, les conseiller bien sûr, leur montrer la vérité, leur montrer que telle chose c'est très néfaste. Wa tanbihuhum fi rifqin wa lutf. Et ça c'est très très important. Limada li'anna hadha al-hakim, il a une manzila, il a une place, il a autorité sur les autres, il a accès à certaines choses. Enfin, mal lui parler, ça peut faire beaucoup de mal. Et en aucun cas, c'est profitable. Il t'écoutera jamais. Lakin, celui qui a la qudra, c'est pas tout le monde qui peut conseiller directement le gouverneur. Lakin, même quand on dit gouverneur, même ceux qui travaillent pour le gouverneur, ceux qui travaillent pour les autorités, enfin, s'il peut le conseiller, et ça implique pas un mal, bien sûr, برفق ولطف. لماذا؟ لأن لو بوت سي كيل اكسبت. اي parmi les causes pour que l'insan il accepte النصيحة الرفق واللطف la douceur, savoir comment parler, savoir quand parler. قال ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. نعم, أما appeler à la révolte, appeler à la rébellion, et كذلك faire ça fait pas partie de la sunna, أما faire دعاء لهم بالتوفيق فهذا لا شك أنه سنافع جدا. قال وحثوا الأغيار على ذلك. انتهى. Donc c'est ça النصيحة, vouloir leur bien, espérer leur guider et les conseiller, leur montrer. ومن الحديث المؤكد لذلك حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة, قال قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, أخرجه مسلم في صحيحه. Et ça, c'est la référence dans ce point. الدين النصيحة. Et le Nabi عليه الصلاة والسلام, il a cité parmi ceux à qui on doit faire النصيحة, أئمتو المسلمين. Et les guides des muslims, et les gouverneurs, que ce soit un roi, un président ou autre. قال فمن نصح لولاة الأمر فقد أدى ما افترض الله عليه ومن لم ينصح لهم فإن قلبه قد ملئ غيظا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Celui qui a conseillé, bien sûr qui a la capacité de conseiller, qui a conseillé, هذا الحمد لله, il a fait ce qu'il avait à faire. أما celui qui peut et qui ne conseille pas, فكما قال, هذا il doit se poser des questions. Est-ce qu'il veut le bien pour la communauté? لأن le fait que le gouverneur il soit conseillé, qu'il accepte ce conseil, toute la Ummah va en profiter. On considère maintenant que dans les pays musulmans, les gouverneurs ils acceptent Nasiha et ils propagent la science, ils facilitent les assises de science, ils écartent al-haram, l'alcool et autres. Tout le monde va en profiter, on sera à la khair azim. Et une des causes, c'est les conseillers. Et là, t'as donné. Wallahi, anna kathir mina al-umara, ils acceptent les conseils. Ils acceptent les conseils. C'est cité dans Kutub al-Ilm, combien de savants ils ont conseillé. Et les gouverneurs, ils acceptent. Ne pas croire que c'est une peine perdue. Ça vient de Shaitan. Et des égarés, ils nous font croire que là, ça c'était avant, aujourd'hui, ils n'acceptent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Et à la koulihal, même s'ils n'acceptent pas, nous, on a fait ce qu'on a à faire. Amma celui qui ne veut pas les conseiller, est-ce qu'il veut le bien pour la Ummah? Emma, il est ignorant. Et il dit ce que les autres ils disent. Il est impacté par l'endroit où il vit, son environnement. Beaucoup de gens ils parlent sur le gouverneur. Enfin, c'est un ignorant meskin. Emma, il ne veut pas le bien pour la communauté. قال ولذا لا ترى هذه الخصلة الذميمة إلا عند أهل البدع والأهواء. كما قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله. هذه الأمة 73 فرقة 72 هالكة. كلهم يبغض السلطان والنادية هذه الوحدة التي مع السلطان. انتهى. Ça c'est une faïda. كثير من السلف ils ont démontré هذا. Parmi eux سهل التستري رحمة الله عليه. أن الأمة s'est divisée en 73 groupes, 72 groupes égarés. Tous les groupes égarés ils détestent le sultan, ils détestent le gouvernement musulman, ils appellent à la rébellion. Et هذا tu le vois aujourd'hui. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. D'autres imams parmi eux, Ayyub al-Sirtiani, rahmatullah alayhi, il disait, « Ma min mubtadi' illa wa yastahil al-saif. » Chaque innovateur, il rend permis le fait de se rebeller contre le gouverneur et le fait de prendre les armes. Tu le vois, Hada. Même certains innovateurs, que Obadom, ils pensent même pas qu'ils pourraient dire ça qu'à Tablir ou à Sauvia. Ah, ou là, tu penses à Nahum, ils pensent qu'à l'adoration, ils sont dans leur coin. Lors des révolutions, c'est les premiers, où ils font partie kadalik, de ceux qui critiquent le gouverneur. Il a un groupe, Ahlus Sunnati wal Jama'a, As-Salafiyoun. Et ça, c'est une faïda azima. Ça, c'est une faïda azima pour chacun de nous. Anna Akhil Karim, si dans ton entourage, une de tes connaissances, il critique le gouverneur muslim, il critique les pays musulmans, et c'est une habitude et il n'écoute pas le nasiha, fais attention, il fait partie de Ahlul Ahwa. S'il n'accepte pas le nasiha, il refuse Al-Haq, العلماء في السورتير دو لا سنه celui qui s'égare في هذا الباب فاحذر. بعض الاخوه للاسف ils ont chemin de ghafla, ils fréquentent des frères et pour certaines choses هذا الاخ يكريتيك حكام المسلمين devant eux et كانهم ça les touche pas. هذا un نقص et c'est du ضعف, c'est un manquement كبير. On doit avoir de la ghira pour notre din. On doit être reconnaissant. Et parmi shukr, être reconnaissant via Dalper, c'est que s'il n'accepte pas le nasiha, écarte-toi de lui. Il te fera du mal. Il peut faire une chose et t'as vu que tu marchais avec lui, vu que c'était une de tes fréquentations, tu es accusé ma'a. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال Al-mar'u ala din khalil. Il y en a, si tu n'es pas d'accord avec lui, pourquoi le fréquenter? Il accuse des gouverneurs. Il appelle à la rébellion. إما سان تكفيري إما سان خارجي من داعش وأطر إما سان إخواني إما سان حزبي مهم إلى منحرف في هذا الباب فسيري كنت بالنصيحة أخي الكريم إكختتوا ولا تجادله في أتنسيون في أتنسيون القوم إذن دي شبه كنا سيغا دي سيتي إن شاء الله على فن سيغتن شبه إذن دي زنبيكويتي في هذا الباب إذا تدير مي أنتلي لادي مي أنتلي لادي ربما أنت تشوفي لكونسي سلوي كي va تكونسي إتغاري فاحذر. Et on vit à une époque, oula, ils sont bikathra. Dans les réseaux sociaux, dans certaines mosquées, dans la rue. Fahdar akhil karim. Wallah, il vaut mieux marcher seul qu'avec un de haoula. Walhamdulillah, les frères qui sont à la khair, ils sont bikathra. Fa, prends comme ami, fréquente, ahl sunnah. As-salafiyoun qui sont à la haq fi hadha al-bab, wa fi ghayrihi. Donc on a une chose pour les reconnaître, pour reconnaître les égarés. Annahum, ils critiquent les gouverneurs. Muslim, bien sûr. Et Wardhoum, c'est pas de la critique, c'est de la critique et ils appellent clairement à la rébellion, etc. Lakin Mujarrad, la critique, il a un problème dans sa aqida. Imma Nusr, conseiller, imma se taire et faire dua. Imma les critiquer en public, ça change rien. Ça change rien. C'est min alamat ahl al-bida. C'est un des signes des innovateurs. قال رحمه الله وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. أخرجه الإمام أحمد في المسند عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. الشاهد ثلاث خصال. Et parmi ces caractéristiques, munasahatu ulatil umur. Ulatil amr. Aïe, conseiller les gouverneurs. Hada al-hadith, l'imam al-Albani, rahimahullah, il l'a sahah fi sahiha. Et Cheikh Mokbil, il l'a sahah fi sahih al-musnad. Donc il est sahih. Talatu khisal, la yaghillu alayhinna qalbu muslim. Aïe, la yukhalit qalbuhu ma'aha ghishun wa nifaq. Aïe, il est sincère dans ces trois points. Ikhlasu l'amal. Il adore que Allah, il conseille le gouverneur et l'uzum al-jama'a. Il reste avec le jama'a, avec le groupe qui est à la haq, qui est fondé sur la vérité. قال وفي المسند أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر وفي لفظ طاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. هذا تقدم للصحيح. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الخيانة والدغل والشر. Celui qui a ces trois points, فالحمد لله, son cœur, il est purifié de la traîtrise, d'une mauvaise intention. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, conseiller le gouverneur, et rester avec Al-Jama'a, et ne pas appeler à la division. قال لأنها خصال تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب فمناصحة ولاة الأمور مناف للغل والغش. Donc le fait de les conseiller, c'est un moyen de purifier ton cœur. Ça c'est قول النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض السفهاء, quand ils entendent un sunni dire ce genre de choses, il l'accuse de amala, de travailler avec le gouverneur, d'avoir peur, il a akhir. Alors que, walillahilhamd, qawl ahl sunnah dans hadha al-bab, obéir au gouverneur, etc. C'est fondé sur des preuves. Min al-kitab wa min al-sunna. Que Cheikh Abd al-Salam, rahmatullah alayh, il a cité dans Hadal Kitab. Ou il en a cité quelques-unes, quelques preuves. Qala, idh hiya diddu, faman nasaha al-a'imma wal-umma faqad bari'a min al-ghil. Wa man lam yansih al-a'imma. Man lam yansih al-a'imma faqad inghamasa fil ghil. Wal-iyadu billah. Al-ghil, c'est l'hiqd. Al-hiqd, c'est la haine, la mauvaise intention qui est dans le cœur. Al-ghil, c'est vouloir du char pour un autre. Manigancer, ruser. Bardoum, ils sont mauvais, yadoum billah, dans leur cœur. Enfin, munasahatu wulat al-umur, ça purifie le cœur de had al-ghil, de ces mauvaises choses. Fa hada ma yata'allaq bi nashu ou nashu al wulat al-umur. Ça y est, ma'ala une mas'ala qu'il n'a pas cité huna. Il l'a cité après dans un chapitre. Le fait de conseiller ha'oula al-a'imma, c'est bisir, sirran. Ne pas les conseiller en public. T'as fait telle chose, t'as fait telle chose, va, tu dois faire telle chose, délaisse telle chose. Ça, c'est pas min madhhab ahli sunna. Ça apporte que du char. Surtout nommer le gouverneur. Ah là, c'est pas la voie des savants de la sunna, abadan. Et on laisse ce point et le fait de les conseiller, comment les conseiller, sirran, secrètement, pas en public, ça y est, inshallah. قال خامسا le cinquième حق توقيره واحترامه. Respecter le gouverneur. Respecter les autorités. لماذا لأنهم ils ont une منزلة عظيمة. Ils ont un travail, une mission très très compliquée. Enfin voilà, si tu peux pas les aider, enfin أقل شيء الاحترام, le respect. Et l'insan, il parle bien. Et il fait du'a. Et s'entraider avec eux, bid-du'a, c'est une entraide très très profitable. Qala wa hadha al-haq ra'ahu al-shari' al-hakim bi'an amra bihi nassan wa naha an diddihi min sabbihim wa ihanatihim. Naam. Donc le fait de les respecter, il va citer quelques preuves. Et ça implique le fait de ne pas les insulter. Il y en a celui qui les insulte, il ne les respecte pas. قال وقصد الشارع من ذلك ما أشار إليه الإمام القرافي رحمة الله عليه في كتابه الدخيرة حيث قال الإمام القرافي من أئمة المالكية dans son livre الدخيرة il a dit قاعدة الضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية وما اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. المصالح العامة, dans un pays musulman, il y a des masalih am, des choses profitables pour tout le monde. Mathalan, min a'zam al-masalih, c'est la paix. Que tout le monde vive en paix. Pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, pour pouvoir travailler. Fa hadhihi al-masalih la tatahaqqaq illa bi'azamati al-a'imma fi qulub an-nas. Amma si un peuple, il ne respecte plus les autorités, il ne respecte plus leur gouverneur, fa hadha il va voler, hada, il va trahir, hada, il va accuser, hada, il va se rebeller. Ils ne vivront jamais en paix. Ils auront beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis. Économiquement, politiquement, socialement, dans tous les domaines. Un peuple qui respecte l'imam, ils ont le respect dans ce cœur des autorités. Enfin, alhamdoulilah, tu les trouves, Anahoum. Walou, ils ont peu. Ils sont fi hal hasan. Tu le vois, hada, fi bilad al-kufr. Anna, les autorités, ils n'ont aucun poids. Les autorités, elles n'ont aucun poids, plutôt. Leur gouverneur, leur président, leur roi, ils n'ont aucun poids. Ils sont insultés, critiqués, caricaturés dans les médias. Bel, indahum, c'est permis. Tu trouves, Hachem, il fait ce qu'il veut. Ils suivent leur shahwat. Quand ils n'ont plus besoin du gouverneur, il m'a des manifestations, il m'a des révoltes, il m'a, ils attendent les élections et ils le remplacent. Et ils vivent, fi dhank. كما أخبر الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أما المؤمنون فلا مؤمنون الله سبحانه وتعالى il leur a envoyé un messager عليه الصلاة والسلام. Il a révélé à ce messager un livre, le Coran, le Kerim. Ce prophète صلى الله عليه وسلم il nous a délaissé sur البيضاء ليلها كنهارها. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Bel, on ne peut pas penser ce qu'on veut en tant que mu'min. On doit avoir cette عقيدة محبة الخير pour nos gouverneurs, faire dua pour eux. Ça ne veut pas dire, on le répète, qu'on accepte Ashar. Ils font des mauvaises choses, c'est mauvais, on déteste les mauvaises choses. Lakin, pour Al-Masalih, Al-Amma, ça ne sert à rien de les critiquer en public. ça sert à rien d'exposer leurs erreurs en public. Limada liana, ça va pas changer les choses. Hada. Ce qui change les choses, c'est ad-du'a. Bi-idnillah azza wa jalla. C'est an-nasiha, les conseillers. C'est se réformer nous-mêmes. C'est ça qui change les choses. Bi-idnillah jalla wa ala. Qala wa ma takhtalafat alayhim. أو أهين تعثرت المصالح نعم المصلحة هذا لا شك فيه وقد انتهى وقد سبقه إلى ذلك الإمام سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه حينما قال لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم فائدة جميلة les gens ils seront في خير ils seront dans le bien tant qu'ils respecteront les autorités du gouvernement, le gouverneur et ceux qui travaillent pour lui, al-sultan, et kadalik les autorités religieuses, al-ulama. Tu seras fi khayr fi dunyak si tu respectes les gouverneurs sans accepter al-ma'siyah. Il faut bien comprendre, on peut pas répéter à chaque fois. Lakin, huna tawqir al-ulama ou al-sultan et vouloir le khayr, ça veut pas dire accepter leur mal, abadan. Mais ça reste un musulman. Et fihi khayr en tant que musulman. Et être sous l'autorité de ce gouverneur, c'est mieux que de ne pas avoir de gouverneur. Donc il y a du bien. Donc ce bien, on ne doit pas le rejeter, on ne doit pas l'oublier. On doit être reconnaissant et faire des efforts, bien sûr, pour changer les choses, chacun selon ses capacités. Hada ma yata'allaq bi as-sultan. Kadhalik tawqir al-ulama. توقير العلماء لماذا لان si on respecte pas les savants لا شك ان ça fera beaucoup de mal au din des croyants لان les gens reviendront plus à eux ils écouteront plus leurs conseils et le char le mal il se propage et on vit à une époque للاسف الشديد ان كثيرا من الناس critiquent السلطان les gouverneurs et critiquent اهل العلم les savants et s'oublient eux-mêmes. Ça, c'est min al-dha'f. Dans le din et dans l'aql. Dans le din, on a plusieurs preuves qu'il faut obéir au gouverneur, il faut respecter les savants, il faut revenir à eux, etc. Et kadalik dans l'aql. Les ha'oula qui reprochent des choses au gouverneur ou aux savants, est-ce qu'eux, ils n'ont rien à se reprocher? L'imada, ils ne se corrigent pas. Si toi, tu te corriges, moi, je me corrige, on se corrige tous, on sera à la khayr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnera des gouverneurs comme nous. Vu qu'on a des faiblesses, des manquements. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des gouverneurs comme nous. Qala rahimahullah. فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. نعم. S'ils respectent ces deux catégories, les savants et les gouverneurs, ils seront sur le bien. S'ils ne les respectent, ils ne les respectent pas, ils les insultent, ils les accusent. Ils subiront le mal de leurs propres actes. قال انتهى. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله في الشارع الحكيم إنما رأى هذا الأمر لأجل أن المسؤوليات على الإمام كثيرة وثقيلة ولا يمكن له أن يقوم بذلك على الوجه الصحيح إلا إذا كانت النفوس موطنة على احترامه وتقديره موعودة بالأجر على ذلك متوعدة بالوزر إن خالف ذلك المسؤوليات على الإمام كثيرة وثقيلة Ils ont une énorme responsabilité. تظنون أن c'est facile. Les problèmes de la umma sur leurs épaules. Des pressions, minhuna, des coups de fil, des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Enfin, si leur propre peuple, ils se rebellent, ils les insultent, voilà, chacun d'entre eux, c'est très très difficile. Enfin, anta, en tant que mu'min, tu dois appliquer la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. C'est ton frère, c'est ton gouverneur. Il a un haq azim alayk. Fais attention de la nata'athar bi al-gharb al-kafir ou bi ahli al-bida'. Anahum, ils font passer la raison avant les textes. Il regarde que les mauvais côtés. C'est un kada, c'est un kada. Wallahi, ba'dhum, il cite les péchés du gouverneur. Lui-même, il les fait. Lui-même, il les fait. Lakin, c'est sa haine et ses passions qui le poussent à hada. Et si un autre gouverneur, il vient, il le critiquera. Ben, on vit à une époque, si un gouverneur, il appellerait à certaines sunan, wallahi, les mêmes qui le critiquent aujourd'hui, le critiqueront. Les mêmes, ils ont été élevés à kada, ils ne sont jamais d'accord. Ils veulent que le gouverneur, il les arrose matin et soir avec de l'argent, avec des dons, avec des... Et c'est ce qu'ils veulent. Et encore, même cela, même si le gouverneur, il leur donnerait matin et soir, il trouverait une solution pour lui prendre tout ce qu'il a. هكذا الناس أو أكثر الناس ils ont هذا الطمع في الدنيا et هذا الفكر أي anti-gouverneur il est très très propagé. قال أما الأمر بتوقير الإمام فقد جاءت به نصوص نبوية شريفة وعقد كبار العلماء في مؤلفاتهم أبوابا خاصة بذلك. أما le fait de respecter les gouverneurs, certains textes dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent hada. Et les savants, ils citent ce genre de chapitre dans les livres de Aqid. Et il a cité un exemple, ou plusieurs exemples. Fa fi kitab as-sunna ibn Abi Asim babun fi dhikr ta'zir al-amir wa tawqir. Et ça, c'est nos références en tant que musulmans. Nos références, c'est pas les révolutionnaires d'Europe. Nos références, c'est pas al-kafar al-fajara, al-gharb, l'Occident. C'est pas eux nos références. Nos références, c'est ce qu'il cite l'un, c'est ce qu'il a cité, rahmatullah alayhi. Kitab al-Sunna ibn Abi Asim. Ijma' al-ulama, l'unanimité des savants que c'est un livre profitable, qui appelle à la vérité. Dans ce livre, il a montré la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, dans Bab al-Aqida, dans la croyance. Il a cité un chapitre, Bab fi dhikr ta'zir al-amir wa tawqir. Le fait de respecter al-amir. Et il a cité des paroles de compagnons, d'imams, des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Qal wa fi kitab الحجة في بيان المحجة وشرع عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني c'est une référence كذلك فصل في فضل توقير الأمير le même chapitre sur le respect des gouverneurs وفي كتاب النصيحة للراعي والرعية باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقير رتبتهم والتعظيم منزلتهم ومن النصوص في ذلك ما أخرجه أبو داود donc après avoir cité ces trois références رحمه الله il a cité un hadith ما أخرجه أبو داود rapporté par أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم وحامل القرآن غير الغالبي والجافع وإكرام ذي السلطان المقصد نعم حسنه الشيخ الألباني رحمه الله dans صحيح أبي داود قال ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل وذكر منهن أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أخرجه أحمد في المسند وغيره أخرجه أحمد في المسند وغيره أي وغيره أخرجه الشيخ الألباني لا صحح كذلك دون الصحيح الشاهد دسي حديث قال أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره le fait de respecter les autorités, respecter les gouverneurs. قال ومعنى كان ضامنا على الله أي دخول الجنة une récompense énorme. On doit penser نحن à ce genre de récompense. Là, c'est une cause pour rentrer في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن أطح حديث حديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ذل الله في الأرض تقدم معنا فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله خرجه ابن أبي عاصم في السنة وهو حديث حسن تقدم معنا أن الشيخ الألباني إلا حسن تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم كذلك تقدم معنا أنه إلا ضعف في الضعيفة فهذا حديث il faudrait faire des recherches plus approfondi pour voir c'est lequel le dernier hukm de Cheikh Al-Albani, est-ce qu'il a hassan ou dha'af. Ou un autre imam, et il est sahih. Qala, au début de la risala, on avait cité kalam Cheikh l'Islam de Taymiyyah et d'autres, alayhim rahmatullah. Qala, amma nahi an sabbihim wa ihanatihim, l'interdiction de les insulter, de les rabaisser, قال فقد جاءت به حديث وآثار عن السلف وعقد أهل العلم في مؤلفاتهم بابا لذلك ففي السنة لابن أبي عاصم باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته نعم des chapitres sur le fait de respecter le sultan et de ne pas les insulter, les rabaisser, les critiquer en public قال وفي كتاب الحجة لأبي القاسم الأصبهاني فصل في النهي عن سب الأمراء والولاء وعصيانهم. نعم l'interdiction de les insulter. Insulter ton frère musulman, là, là, il jouz. Fama baluk bil hakim, le gouverneur. Et leur désobéir. Non. Le obéir fait ta'at Allah. Ama fi ghayr ta'at Allah, fa on n'a pas le droit de obéir. Qala wa mimma warada fi dhalik hadith Amr al-Bukali radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha kana alaykum umara ya'murunakum bis-salah waz-zaka wal-jihad faqad harrama Allah alaykum sabbahum wa halala lakum as-salat khalfahum. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وقد جاء موقوفا على عمرو البكالي من قوله أخرجه البخاري في التاريخ في التاريخ الصغير دونك اختلفوا اسك سي لا بارول دو بروفيس صلى الله عليه وسلم او سي لا بارول دو عمرو. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة سنده صحيح كأنه سنده صحيح أي الموقوف. ومنها قول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في شعاب الإيمان وغيرهما بإسناد صحيح. كلام جميل. سنمونتر كسي مذهب الصحابة رضي الله عنهم سلا فوا دي كومبانيون رضي الله عنهم. Ne pas insulter les gouverneurs, ne pas les trahir, ne pas les détester, craindre Allah, patienter. Non, les mains à patienter, les mains à chacun, c'est des êtres humains, ils font des erreurs. Enfin, patienter face à leurs injustices, comme à taqaddam. Wa minha qawl Abi Darda radiyallahu anhu, inna awwal nifaq al-mar ta'nuhu fi imami, ala imami, akhrajahu al-bayhaqi fi ju'ab al-iman, wa ibn Abd al-Bar fi al-tamhid. Ça fait partie de l'hypocrisie, de critiquer, d'accuser son gouverneur. ومنها قول أبي إسحاق السبيعي رحمه الله ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد وأبو عمرو الداني في الفتن. C'est une cause أن الله سبحانه وتعالى il ne donne pas à هؤلاء qui critiquent le gouverneur. ومنها قول إدريس الخولاني رحمه الله إياكم والطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة حالقة الدين ليس حالقة الشعر. ألا إن الطعانين هم الخائبون والشرار الأشرار. أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال. على كل حال ça fait pas partie de la voie des salafs أبدا d'accuser, de critiquer le gouverneur, de l'insulter. ومنها قول معروف الكرخي رحمه الله من لعن إمامه حرم عدله. Ça, c'est une cause, na'am. Le fait de désobéir, de les insulter, de les maudire. C'est une cause en Allah subhanahu wa ta'ala yusallit alayna ha'oula. En ce gouverneur, il devient injuste. Et au son cas, il s'empire. Ça nous montre en ad-du'a lahum et as-sabr. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala patienter, leur obéir fi ta'atillah, ne pas les insulter, ne pas les critiquer, les conseiller en public, ne pas les conseiller en public, les conseiller en privé. Enfin, tout ça, c'est une cause. Pour nous réformer nous-mêmes et كذلك les réformer. ذكره ابن الجوزي في مناقب معروف وأخباره. فهذا انتهينا بهذا الفصل الثاني أي les droits du gouverneur sur son peuple, sur les musulmans. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.